Thomas, c'est un pauvre mec. Il a perdu ses parents. On sait bien faire, on sait bien faire. C'est mes chaises.